À l'occasion du 5e anniversaire du décès du général Kim Jong-il, les comités indonésiens, mexicains et thaïlandais à la mémoire du camarade Kim Jong-il sont constitués respectivement le 17 courant. Ils ont décidé de présenter largement à travers les médias sa vie révolutionnaire sacrée et ses exploits immortels et d'organiser solennellement des cérémonies politico-culturelles à l'occasion du 5e anniversaire de son décès.